Hey, vous avez vu le beau soleil ce matin, c'est le printemps qui est revenu, le printemps qui, en tout cas, au moins est à nos portes, c'est encore moins 10 ce matin, là, mais ça va venir, ça a l'air. Là. Dans le rang chez nous, à Irlande, il y a des évidences qui ne manquent pas pour dire que le printemps arrive, les tracteurs sortent avec le réservoir d'eau d'érable, puis ça se promène vers les évaporateurs, puis ça c'est immanquable, c'est parce que le printemps arrive. Les saisons puis les années se suivent. Puis on pourrait simplement s'habituer à ces routines-là, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, puis de se laisser glisser aussi dans la foi, vers un mode de vie qui est de plus en plus apathique, de plus en plus sans passion. Se laisser traîner parce que les choses reviennent comme elles étaient l'année passée et comme d'une saison à l'autre, ça change. Et je me rappelle toujours quand le printemps arrive, que le printemps nous rappelle que c'est la saison de se remettre à la croissance, de se remettre à grandir de nouveau. Le printemps nous rappelle que c'est le temps de se réveiller de notre sommeil hivernal. Parce que dans la vie chrétienne, quand j'arrête de croire, quand j'arrête de grandir, je ne fais pas juste stagner, je régresse. Et j'ai besoin de me faire rappeler, de me remettre en croissance, de sortir de mon sommeil hivernal. Je pense que c'est Corinthien qui dit « Réveille-toi, toi qui dors! » Et le Seigneur t'éclairera. On a besoin de se réveiller parce qu'il y a un danger d'apathie qui nous guette tous. Le danger d'avoir un manque de passion, un manque de zèle, qui est la caractéristique en réalité d'une personne qui ne grandit plus dans sa foi, une personne qui devient indifférente à ce qui se passe, une personne qui devient complaisante, pas parce qu'elle manifeste par toutes sortes de péchés dans sa vie, mais plutôt parce qu'elle manque les bonnes occasions d'avoir les bonnes actions, les bonnes attitudes que je devrais pratiquer, que je devrais manifester. L'apathie, ce n'est pas de se lancer directement dans le péché, mais c'est d'arrêter d'avancer dans les bonnes choses, les bonnes œuvres, les belles attitudes que Dieu a placées pour nous afin que nous les pratiquions. Et pour que nos vies personnelles portent des fruits que Dieu anticipe de produire, tant dans nos vies personnelles que dans celles de l'Église, bien, ce matin, j'aimerais qu'on puisse confronter cette complaisance, cette apathie qui nous menace, puis qui menace de rendre nos vies sans fruit pour Dieu. Et j'aimerais baser ça sur le texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, le verset 1. Et que je vous propose que ce verset puisse être un remède, un antidote à un christianisme apathique et complaisant, et que ça nous ramène à un engagement envers Dieu, cet engagement que son amour à notre égard suscite en nous. J'aime bien le chant qu'on vient de chanter ce matin. C'est tellement engageant. On le chante des fois, même sans y penser. Jésus, je te suivrai. À la fin du message, j'aimerais qu'on le rechante et qu'on pense, Jésus, je te suivrai, parce que toi, tu as marché devant moi. Prions d'abord. Ô Seigneur, merci pour la joie d'être ici ce matin. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande envers nous. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que nous puissions contempler tout cet amour que tu as pour nous et en retour, Seigneur, nous engager à vivre pour toi, nous engager à te suivre, nous engager à ce que notre vie soit un sacrifice de bonne odeur pour toi. Alors Seigneur, remplis ma bouche de ta parole, mon cœur de ton esprit, et Seigneur, communique ta bonté à notre égard ce matin, puisque je t'en prie au précieux nom de Jésus. Amen. Lisons Romains chapitre 12, le verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le texte dit, je vous exhorte donc, frères. Romains chapitre 12, c'est le début de la dernière section de l'épître de Paul aux Romains. Et dans son épître aux Romains, Paul a présenté l'Évangile, la fierté qu'il avait de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, il dit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile comme étant cette puissance de Dieu qui justifie, qui déclare juste le pécheur par la foi. Et une fois déclaré juste par la foi, il l'amène à vivre une vie d'obéissance, une vie d'engagement, par la foi aussi. Paul dit dans le chapitre 1, verset 17, « Car dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Selon qu'il est écrit, le juste, celui qui était justifié par la foi, il va vivre aussi, vivra par la foi. La justice de Dieu envers nous s'est manifestée par la foi en Jésus, mais aussi pour la foi, pour l'obéissance que produit la foi. Quand Dieu nous a justifiés par la foi, il nous a appelés à marcher pour la foi. Et autant le début de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 6, et le chapitre 16, verset 26, il dit, l'objectif que Paul avait, il disait, c'était de amener les païens à l'obéissance de la foi, à l'obéissance, à l'engagement que produit la foi. Nous avons besoin de ça. Paul avait commencé par dire, tous sont injustes devant Dieu, dans les trois premiers chapitres. Mais bien qu'il soit injuste, Dieu prend la démarche de justifier le pécheur sur la base de la foi personnelle dans la foi de Jésus, dans la fidélité de Jésus. Vous avez été déclaré juste lorsque, par la foi, vous avez placé votre confiance dans ce que Jésus a fait pour vous, dans la fidélité de Jésus. Et Dieu vous a ainsi déclaré juste sur la base de la foi. Et après ça, Paul il continue à nous dire que ce croyant qui a été déclaré juste parce qu'il s'est attaché à Jésus, bien maintenant, il n'est plus esclave du péché. Il n'est plus redevable au péché. Mais il est devenu esclave d'un autre. Il est devenu esclave de Dieu. Et maintenant, puisqu'il est esclave de Dieu, il offre ses membres comme des instruments de justice. Il vit pour Dieu maintenant. Il a été attaché à Dieu. Il est devenu une même plante avec lui. Alors, c'est tout à fait normal qu'il produise les fruits qui viennent de son attachement à Jésus. Alors, s'il était arrêté là, on serait dit, « Oh, merveilleux, j'ai été sauvé. Je suis devenu une plante avec Jésus. J'ai été enseveli, ressuscité avec lui. La vie maintenant est merveilleuse. Je ne pêche plus. J'avance. » Mais là, au chapitre 7, il dit, « Ben, à vrai dire, le vieil homme a été rendu inopérant, mais le vieil homme, il ne veut pas mourir encore. Il est encore là, puis il veut pas mourir. » Et Paul de dire, j'ai le désir de faire le bien. J'ai le vouloir, mais il me manque le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien dans ma vieille nature. Mais heureusement, ils vont me dire au chapitre 8, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Mais avec la nouvelle nature, il nous a donné son esprit qui est venu habiter en nous. Et cette nouvelle nature habitée de l'esprit rend la victoire possible lorsque le chrétien s'affectionne des choses de l'esprit. Si vous vous affectionnez des choses de la chair, vous allez mourir, il dit. Mais si vous vous affectionnez des choses de l'esprit, vos membres vont devenir des instruments de justice et vous allez avoir pour fruit la sanctification. Alors, après avoir terminé le chapitre 7, chapitre 8, il avait mentionné que le salut était pour les Juifs comme pour les païens. Alors, dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains, il clarifie la notion que si l'Évangile avait été si bon pour les Juifs, comment ça se fait que tous les Juifs ne se sont pas tous convertis en même temps? C'est quand une recette ne fonctionne pas parmi ta gang, pourquoi tu vas prêcher aux autres? Alors, Paul est obligé d'expliquer dans 9, 10, 11 que oui, le salut est pour les Juifs aussi. Dieu a toujours eu un plan d'élection, chapitre 9, et Dieu a toujours offert à tous les hommes de se convertir puis de venir à lui, mais c'est un désir du cœur aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, il explique en Romains 11 que finalement, l'assoupissement, l'endurcissement des Juifs, elle est partielle, parce que lui aussi est un Juif, il y a un paquet de Juifs aussi qui se sont sauvés. Elle est providentielle, parce que le fait qu'une partie des Juifs soit tombée, l'Évangile était ouvert à toutes les nations. Nous, on en a bénéficié, merveilleux. Et cet endurcissement-là, il n'est pas seulement partiel, il n'est pas seulement providentiel, mais il est temporaire, parce qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Alors, il fait la parenthèse 9, 10, 11 pour parler du salut, de la justification avec le domaine des Juifs. Et il arrive finalement, Romains chapitre 12, verset 1. Et là, il dit, « Je vous exhorte donc, après avoir fait la présentation du salut et de la vie par la foi, bien là, il présente dans cette dernière partie, chapitre 12 au chapitre 16, l'aspect du devoir chrétien. L'exhortation aux frères et aux sœurs, en grammaire, on va dire l'indicatif, les faits, l'indicatif du salut, m'amène à l'impératif de l'engagement. À cause de ce que Dieu a fait pour moi, bien maintenant, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité de répondre à son œuvre. Et il commence avec cette exhortation, « Je vous exhorte donc. » Par conséquent, frères et sœurs, je vous encourage, je vous exhorte. Parce que voyez-vous, l'engagement n'est pas quelque chose d'automatique. On a besoin quelquefois d'un coup de pouce pour avancer. Ou dirais-je un coup de pied, des fois, ça va encore mieux, pour avancer. « Je vous exhorte donc, frères. » J'ai besoin que vous placiez un effort, parce que sans effort, on n'arrive pas à l'engagement personnel. On doit décider de prendre au sérieux l'exhortation, l'engagement. Je vous exhorte, si vous vous promenez à bicyclette ou si vous faites de la planche à neige, vous comprenez très bien que sans effort, on ne glisse pas vers le haut de la montagne. Si on ne met pas d'effort, on ne glisse pas vers l'engagement. Ce n'est pas quelque chose qui va venir naturellement. Je sais, ça me laissait faire et je vais devenir de plus en plus engagé pour le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Si je me laisse faire, je vais glisser vers l'apathie. Je vais glisser vers la complaisance. On doit travailler à l'engagement. L'engagement ne vient pas sans effort. Je vous exhorte donc, frère, je vous exhorte donc à décider dans votre cœur et à mettre des pas à vos bonnes pensées et à vous engager. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de s'engager pour Dieu? Quelle est ma motivation pour que je décide, Seigneur, je te suivrai? Peu importe ce qui va arriver, je te suivrai, Seigneur, je te suivrai. Qu'est-ce qui me motive à faire ça? Ben, Paul va dire, par les compassions de Dieu. Paul exhorte à l'engagement sur la base des compassions que Dieu a eues à notre égard. Compassion. La notion de, le mot original, c'est la notion des tripes. Mais la notion de miséricorde, Dieu nous voit dans la misère. Et il ne dit pas, « Oh, que c'est donc malheureux que tu sois dans la misère. J'espère que ça va aller mieux demain. » Puis il continue à marcher. Dieu n'est pas comme ça. Il a la miséricorde. Il me voit dans la misère et il me lance une corde pour me sortir. Ça, c'est la miséricorde. Les compassions de Dieu, sa pitié qui découle de notre état misérable, de notre état dans le besoin. Peut-être que vous avez écouté à la télévision, vous voyez dans les nouvelles, c'est quelquefois des images de milliers d'orphelins dans le monde. Vous avez vu ça à la télévision? Aujourd'hui, on est au courant de tout ce qui se passe, même les misères les plus profondes de la planète, mais des enfants orphelins, des enfants sans abri, des personnes qui ont tout perdu. Et vous regardez ça, puis ça vous prend à cœur, ça vous prend aux tripes, ça vous fait mal. Mais vous avez de la compassion. Vous pâtissez pour eux. Mais est-ce que vous allez changer de poste? Parce que ça fait mal de regarder ça. Nous, on est plein de confort, puis on regarde ces gens qui ont tout perdu, qui sont misérables dans le besoin. Ça nous pousse à agir en leur faveur. Il y a quelques années, il y avait des groupes musicaux qui, à cause de la famine en Éthiopie, en quelque part, ont décidé de faire un grand spectacle musical. Et il y avait des T-shirts. Puis sur ces T-shirts-là, ça disait « Tears are not enough ». Les pleurs, c'est pas assez. C'est pas assez de pleurer parce qu'on voit la misère. J'ai besoin de m'engager. Et c'est pour ça qu'eux faisaient une présentation musicale et ils invitaient les gens à donner pour ce besoin-là. Les larmes, c'est pas suffisant. On a besoin d'action. Et Dieu a passé à l'action. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, parce que Dieu a eu compassion. Ça va fonctionner. Peut-être que tu auras besoin de changer pour moi. OK. Dieu a eu compassion. Romains 5, 8. Dieu prouve. Il n'a pas juste pensé. Il n'a pas juste dit, ça serait donc une bonne chose. Dieu prouve son amour. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on était encore avec le poing vers le ciel, voulant rien savoir de Dieu, lorsqu'on était encore des blasphémateurs, lorsqu'on était encore contre lui, Dieu a prouvé son amour en mourant pour nous. Dieu prouve son amour parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a vu notre état de pécheur, il a vu notre état rebelle, il a vu notre état perdu, il a vu notre état sans espoir, sans Dieu dans le monde. Et il a décidé de s'engager à nous justifier sur la base de sa grâce seule, au prix de son Fils bien-aimé, pour payer pour mes péchés et pour les vôtres. Ça, c'est la compassion. Ça, c'est la compassion de Dieu. Sur la base de cette compassion de Dieu, il nous encourage à nous engager. Dieu a eu compassion. Et non seulement il est venu pour nous justifier, mais il a investi en nous un esprit d'adoption, nous dit Romains 8, 15 et 16. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous étions des orphelins. Nous étions sans direction dans la vie. Nous étions sans provision pour la vie. Mais Dieu, il a dit, je vais vous justifier. Non seulement vous étiez des ennemis, mais je vais vous justifier. Je vais faire de vous mes enfants. De sorte que je vais pourvoir à cette direction, à cette provision. Je vais vous adopter. Et le Dieu de l'univers, je peux maintenant me tourner vers lui et l'appeler Abba, Papa, Père. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et l'Esprit de Dieu qui l'a placé en nous confirme jour après jour que nous sommes bel et bien des enfants de Dieu. La compassion de Dieu nous a amenés de complètement démunis et dépravés à héritiers du Dieu éternel. Alors notre engagement ne doit pas perdre de vue ses compassions de la part de Dieu. À cause que Dieu était compatissant, à cause que Dieu a envoyé son Fils Jésus, et Jésus lui-même est notre exemple qui doit nous motiver. On doit imiter nos héros. partageais avec un frère ce matin cette notion-là de regarder les personnes plus âgées qui ont marché pour Dieu. Et Dieu nous dit, considérez la fin de leur vie, c'est-à-dire l'objectif final, qu'est-ce qui drivait leur vie? Considérez la fin de leur vie et imitez leur foi. Marchez comme eux y ont marché. Et nous sommes appelés à marcher comme Jésus a marché. La vie de Jésus représente une forte motivation pour notre engagement. Il aurait pu rester dans le ciel, dans le confort de sa gloire, mais au lieu de se complaire en lui-même, la Bible dit, il est venu ici-bas pour accomplir notre rédemption. C'était le désir de Jésus de plaire à son Père. C'est ça qui motivait sa vie. Et c'est pour ça qu'il a pris sur lui les outrages, les insultes des êtres humains qu'il avait créés pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Et à nous aussi, nous devons marcher sans rechercher ce qui nous plaisait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler Charles Studd, le Chariots of Fire, le film Chariot de feu? C'est un athlète anglais, c'est un coureur anglais qui pour lui, ce que Dieu lui avait donné, c'était des jambes et un cœur pour marcher, pour courir. Il était un athlète olympique. Mais il disait, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. Si c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu, puis si c'est vrai qu'il est vraiment mort pour moi, y a-t-il un sacrifice trop grand pour lui? Et pour lui, c'était non. La motivation, c'est notre élan de départ, mais c'est l'engagement qui est le combustible, qui est le moteur pour avancer. Notre motivation pour l'engagement sont les compassions de Jésus, de compassion de Dieu, l'exemple de Jésus. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble l'engagement? Qu'est-ce que c'est notre offrande d'engagement? Bien, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul nous dit que le matériel de l'engagement, ce sont ma personne, et plus particulièrement, soma, mon corps. Présenter ma personne comme un sacrifice à Dieu, c'est un engagement très engageant. Dieu recherche de ses enfants, ce n'est pas un engagement du bout des lèvres, mais dit, je vous exhorte à offrir vos corps, votre personne même. Et il emploie un vocabulaire du rituel, un vocabulaire du liturgique, du sacré, de l'adoration, offrir son corps. Les prêtres de l'Ancien Testament, ils prenaient un agneau, puis ils le plaçaient sur un autel, et ils offraient le corps, ils offraient l'agneau lui-même en sacrifice. Et le croyant, aujourd'hui, il est ce prêtre. Mais amène-t-il un agneau sur l'autel? Non, Dieu l'encourage à s'amener lui-même sur l'autel, à s'offrir lui-même, à offrir son corps en sacrifice pour Dieu toute sa vie. Sa vie est toute du domaine du sacré, de l'adoration. Chez le chrétien, il n'y a rien de séculier. C'est spécial, vous venez à la célébration de Dieu du dimanche matin. C'est sacré, c'est un culte agréable à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous allez quitter ce matin, le culte pour Dieu va continuer. Dans le travail sur le chantier, dans la réunion de prière, à l'usine, au bureau, on est appelé à présenter toute notre personne, mon temps, mes talents, mes trésors, mon travail, tout ça contribue à mon corps qui est présenté comme une offrande à Dieu. Toute ma vie est une offrande à Dieu. Et comment est-ce que je peux offrir à Dieu une adoration? Bien, j'utilise mon corps. Le corps soma, il utilise dans le texte, pas juste la personne, mais il parle somatique, le corps. Offrez vos corps. parce que c'est le corps qui est le véhicule particulier pour servir Dieu et pour célébrer Dieu. Quand je pêche, c'est mon corps que j'utilise comme membre d'injustice. C'est mon corps maintenant qui doit exprimer les sentiments de mon cœur. C'est mon corps qui doit exprimer ce que j'offre à Dieu comme membre, comme instrument de justice. Dans le chapitre 3 de Romains, lorsque Paul disait que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, il donnait des exemples. Et l'exemple qu'il donnait, c'est ton corps. Il dit, il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Avec quoi est-ce qu'ils pêchent? Avec quoi est-ce qu'on pêche? Avec les membres de mon corps. Avec quoi je peux adorer Dieu? Avec les membres de mon corps. On est rendu à 9 petits-enfants, je l'ai mentionné. Ma fille a 2 petits gars, 9 ans et 11 ans. Et on les garde souvent. 9 ans puis 11 ans, 2 petits gars. Des fois, ça a des idées différentes. Hein? Des fois, ça ne s'accorde pas toujours. Là, je sais pas, c'était comme ça chez nous quand on a élevé nos 5 enfants, puis on dirait que ça s'est reproduit chez ma fille. Mais ça se chicanait. Il y a quelques années, je leur ai montré un chant, Proverbes chapitre 6 et les versets 16 à 19. Et quand la chicane pogne un petit peu, bien, on chante. Okay? Vous connaissez ce chant-là, Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19? Ça dit, « Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Il y a 6 choses que l'Éternel, 7 choses qu'il en aura. Des yeux hautains, des langues menteuses, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets iniques, des pieds qui se hâtent de courir au mal, un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Comment est-ce que je déplais à Dieu? Évidemment, avec les membres de mon corps. Comment est-ce que je vais plaire à Dieu? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice qui nous est dit vivant. C'est bizarre parce que dans l'Ancien Testament, les sacrifices que l'on offrait à Dieu, ils étaient morts. On les mettait sur un autel, on le coupait la gorge et ils ne bougeaient plus. Ils étaient morts. Dieu nous appelle maintenant à être des sacrifices vivants. Et le problème avec les sacrifices vivants qu'on place sur l'autel, c'est qu'ils essayent toujours de descendre de l'autel. Ils ne restent pas là. J'ai besoin d'un effort constant dans ma vie de remettre mon corps comme un sacrifice sur l'autel puis de le laisser là. Parce que Dieu ne m'appelle pas à mourir pour lui, très rare. Il m'appelle à vivre pour lui. Et pour ça, j'ai besoin de rester accroché sur l'autel et offrir mon corps comme un sacrifice qui est vivant, pas qui est mort. Un sacrifice vivant, vivre pour lui, plutôt que mourir pour lui. Un sacrifice saint, un sacrifice consacré, un sacrifice qui est une offrande totale, qui est une offrande qui est séparée pour le bénéfice d'un autre. Cet engagement de l'abandon de soi et de vivre pour un autre, de vivre avec la puissance d'un autre, celle de Dieu. J'aimais bien le chant de Richard Toupin il y a plusieurs années. Il disait, « Le bonheur, c'est mourir et vivre pour les autres. » Est-ce que je crois ça, le bonheur, c'est mourir? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. J'entendais une autre phrase il y a plusieurs années qui disait, « Jésus est le Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. » Qu'est-ce qui est vrai dans ma vie? Est-ce que Jésus est Seigneur de tout? Ou est-ce qu'il n'est pas Seigneur du tout? La consécration à Dieu est plus qu'une décision de faire quelque chose pour Dieu. C'est plus qu'accepter que Dieu me dérange de temps à autre. Mais c'est de recevoir de Jésus l'engagement qu'il est l'autorité constante et ultime dans ma vie. Parce que dans le salut, on a reçu Jésus comme sauveur. On en est tellement heureux. Mais on l'a reçu aussi comme Seigneur. Seigneur et sauveur. Pas pour qu'il y ait juste une petite place. Pas pour qu'il me dérange, pas trop. Mais pour qu'il prenne toute la place. Un sacrifice alors qui sera agréable à Dieu. Cette vie chrétienne devient une offrande et un engagement envers Dieu qui devient agréable. Parce que la Bible n'invite jamais au sommeil, elle m'invite au réveil. Et c'est l'engagement qui plaît à Dieu. C'est cet engagement-là qui constitue le parfum de bonne odeur que Dieu demande du croyant. Et il nous dit, « Et ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. » Un culte, l'atreian en grec, la manière d'adorer. On a en français la notion de latrie, idolâtrie. Latrie, l'adoration des idoles, idolâtrie. Il dit, ça va être une latrie raisonnable, logiken, une adoration, un culte qui va être logique. Un culte qui plaire à Dieu, ça ne sera pas quelque chose d'automatique. Ça va être quelque chose qui va sortir de ta tête, de ton cœur, de tes émotions, jour après jour, qui va être un engagement qui va être frais, qui va être renouvelé chaque jour, qui va être une bonne odeur devant lui à chaque jour. Plaire à Dieu, ce n'est pas automatique, c'est quotidien et ça demande une attitude d'adoration. C'est plus que juste un simple rituel comme les sacrifices de l'Ancien Testament, mais une adoration qui appelle à la raison, une adoration qui appelle à la volonté, à l'intelligence. Et quand je résiste à ça avec ma raison, avec mon intelligence, avec mes émotions, avec ma volonté, quand je résiste à ça, je suis en rébellion contre Dieu. Lorsque Moïse donnait à Dieu toutes sortes d'excuses pour ne pas aller représenter le représenter devant Pharaon, il donnait toutes sortes d'excuses. Et Dieu, il n'a pas juste dit, « Ben, mon cher petit Moïse, tu manques d'engagement. » Il a trouvé ça comme une rébellion envers lui. Il s'est mis en colère contre Moïse. Parce que Dieu nous appelle à l'engagement. Alors, ma question ce matin, avez-vous, depuis votre conversion, pris l'engagement conscient de vous remettre entièrement à Dieu pour votre vie et pour lui faire complètement confiance, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine des relations avec les croyants, que ce soit dans le domaine de mes relations envers le monde, lui faire entièrement confiance, sans hésitation, sans réserve, sans condition. Je me présente devant toi. Je te remets ma vie, mon corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parce que j'allais dire, quand on se rencontre le dimanche matin, on chante souvent ces chants d'engagement. On chante souvent, ça sort de ma bouche à tout bout de champ quand je célèbre Dieu. Seigneur, je te donne ma vie, tu as fait tellement pour moi, je t'aime, je veux te servir. Est-ce que ça va demeurer juste là? Tears are not enough. Les pleurs, c'est pas assez. Levez la main vers le ciel pour dire, « Seigneur, je te donne ma vie. » C'est beau, c'est pas assez. Mes membres, mon corps, sont la manière d'exprimer de façon pratique mon engagement envers Dieu. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de s'engager pour Dieu? Est-ce qu'il y a une bénédiction à mon engagement? On n'a pas fini d'être émerveilleux par ce que Dieu fait à travers nos vies. Si nos vies lui sont consacrées, engagées totalement. J'aimerais faire appel ce matin à votre mémoire. Dans Marc au chapitre 8, verset 35, j'aimerais que vous continuiez la phrase. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ça vaut-tu la peine de perdre ma vie à cause de Dieu, de sa parole, de la bonne nouvelle? Celui qui va perdre sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il va la sauver, le salut de mon âme. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Jim Elliot. Jim Elliot, ce sont des missionnaires en Équateur au siècle dernier. Et cinq jeunes couples qui ont voulu atteindre une tribu en Équateur. Il y avait Nate Saint, puis quatre autres, dont Jim Elliot était un deuxième. Nate Saint était un pilote d'avion. Et cette tribu-là n'avait jamais été atteinte par l'Évangile, puis même par la civilisation. Alors, ils prenaient l'avion, puis ils s'approchaient de l'endroit où ces indigènes étaient, et ils laissaient tomber des cadeaux. Et il a fait ça plusieurs fois, puis à un moment donné, l'avion atterri sur le bord de la mer, ils ont fait un feu, puis ils attendaient de voir les indigènes. Et puisque c'était en Équateur, il y a des animaux dangereux, fait qu'ils avaient chacun une arme. Sauf que quand ils ont été là, les indigènes ont sorti de la forêt et ils ont attaqué les cinq missionnaires. Ils ont tous tué avec une lance. Et quand ils ont été chercher les corps, ils se sont aperçus qu'aucun d'entre eux avait sorti son fusil pour se défendre. Ils se sont laissés attaquer. Et on dit, quelle dépense terrible. Cinq jeunes missionnaires, des couples, des jeunes familles, et ils n'ont pas eu le temps de leur partager l'Évangile, sont toutes morts. Les épouses de ces personnes-là, Elisabeth Elliott a écrit sur cette histoire-là, et l'épouse de Nate Saint, ils sont retournés, ils ont partagé l'Évangile. Et cette fois-ci, ces indigènes de l'Équateur ont accueilli l'Évangile. Même qu'un meurtrier de ces cinq premiers missionnaires-là est devenu un ouvrier dans sa tribu. Et il a même baptisé le fils de Jim Elliot plus tard. Regardez qu'est-ce que Jim Elliot a écrit avant. « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » C'est pas fou, il dit, de perdre ce que je ne peux pas garder, afin de garder ce que je ne peux jamais perdre. Il était prêt à donner sa vie, parce que celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus, va la sauver. Le salut de nos âmes. Est-ce qu'il y a une bénédiction à suivre Dieu en ce qui concerne mes besoins? Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Y a-t-il une bénédiction à ça? Certainement. Dieu a dit, tout ce que tu as besoin, je vais le pourvoir pour toi. Psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu l'objet de ton engagement et il va te donner ce que ton cœur désire. C'était la même chose que de monsieur qui dit prendre plaisir en Dieu. Plus je prends plaisir en Dieu, plus Dieu est glorifié. Alors, plus je fais de l'Éternel tes délices et il va me donner ce que mon cœur désire. Jean 15, 7, Jésus, avant de quitter la terre, il a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé. » Est-ce qu'il y a une bénédiction à plaire à Dieu? Certainement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bien, demandez ce que vous voulez, je vais vous le donner. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Voilà. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous exhorte à l'engagement. Dieu veut accomplir des choses merveilleuses à travers nos vies, dans la mesure où nous voulons confronter constamment notre christianisme complaisant et apathique par des vies qui sont engagées et obéissantes à Dieu. Est-ce que tu veux lui communiquer ce matin ta décision? Dieu, aujourd'hui, voudrait te donner la joie de lui avoir obéi, de faire sa volonté. Il voudrait te donner la grâce d'avoir combattu le bon combat de la foi, le privilège d'être pour lui un vase d'honneur. Jésus, nous chantions tantôt, « Je te suivrai ». Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là avant l'adoration? Et ce sera notre prière que vous allez pouvoir dire au Seigneur, chacun d'entre vous, « Jésus, je vais te suivre ».